Les inattendus de la science, avec vous Fabienne Chauvière. Bonjour Fabienne. Bonjour Eric. On commence avec cette araignée, une araignée qui pourrait servir de modèle à des robots. C'est une araignée toute petite, mais ses sauts fascinent. Saut ! Bouge de là. Ils l'ont appelée Kim, elle ne mesure que 15 mm et ne pèse que 1/8 de gramme. Elle appartient à l'espèce Phidippus Regius. La puissance de sa détente lui permet de franchir jusqu'à 6 fois la taille de son corps. La force de ses pattes au décollage peut représenter 5 fois son poids. Comprendre cette incroyable biomécanique ouvrirait des perspectives très intéressantes d'après les scientifiques de l'Université de Manchester qui ont mené cette étude. Le saut de Kim est par ailleurs très précis. L'araignée sait reconnaître la difficulté et adapter sa stratégie en conséquence. Dans tous les cas, elle tisse et accroche une petite ligne de soie, comme un alpiniste s'assure à la corde. Kim pourrait être copiée pour concevoir des robots sauteurs. Saut, saut, saut ! 2/41 millième ! Et on peut voir donc les sauts de Kim l'araignée en images. Pour ça, il faut aller sur le lien sur la page du 6-9 week-end de France Inter. Dans vos inattendus de la science, Fabienne, ce matin, il y a également les sourcils. Ils pourraient avoir joué un rôle crucial dans l'évolution humaine. Mais montrez-moi les vôtres. Ah, ils ne sont pas épilés. La découverte est récente. Vos sourcils. Vous n'avez jamais pensé à vous épiler un peu ? Nos ancêtres possédaient un bourrelet susorbitaire assez proéminent qui a fini par laisser place à nos sourcils. Selon certains chercheurs, la mobilité de cette partie de notre visage joue un rôle prédominant dans l'établissement des relations sociales. Des chercheurs ont analysé le crâne d'un fossile et grâce à un logiciel de modélisation, ils ont fait des simulations. Ils en ont conclu que l'arcade sourcilière n'a pas de rôle mécanique et qu'elle ne sert pas non plus à empêcher la sueur. Les chercheurs pensent que les mouvements des sourcils nous permettent d'exprimer des émotions et de percevoir celles des autres. De tout petits mouvements permettraient même d'identifier la tromperie. Ceux qui ont eu des injections de Botox qui limitent les mouvements de leurs sourcils communiqueraient même moins bien. Également, cette question ce matin, pourquoi les enfants courent-ils toujours et pourquoi ne sont-ils jamais fatigués d'ailleurs ? Vous avez dû remarquer ça, Eric. Leur énergie semble inépuisable et on a souvent du mal à suivre. Les scientifiques ont démontré que l'endurance des enfants est équivalente à celle d'athlètes entraînés et qu'ils sont capables de récupérer encore plus vite. Plusieurs expériences ont montré que les muscles des enfants se fatiguent plus lentement que ceux des adultes. Une expérience a été menée à l'université de Clermont-Auvergne. Des enfants et des athlètes masculins endurants ont effectué deux tests sur un vélo stationnaire. Au cours de l'effort, les enfants se sont révélés aussi résistants à la fatigue que les athlètes. Les muscles des enfants récupèrent par contre plus rapidement. Cela pourrait expliquer pourquoi les enfants parviennent à produire des efforts à répétition, tandis que la plupart des adultes s'y épuise. Dieu, que je suis fatigué. Oui, il faut supprimer la rate aussi. Courir comme un dératé, on court plus loin quand on n'a plus la rate, paraît-il. Les poissons maintenant, s'ils sont en banc, c'est pour cela couler douce. Les poissons font comme les cyclistes, ils se font aspirer par les voisins. Les bancs de poissons offrent un exemple fascinant de comportement collectif dans lequel le groupe se coordonne sans avoir besoin de leader. Pour étudier cette question, des mécaniciens des fluides et des physiciens du CNRS et des universités de Marseille et de Toulouse ont étudié ce qui peut se passer au sein d'un banc comptant plusieurs centaines de poissons. Ils ont mis en évidence un effet surprenant. Lorsqu'ils sont en banc, les poissons dépensent moins d'énergie grâce à un effet d'aspiration produit par l'ensemble des poissons. Cet effet avantageux des bancs avait déjà été imaginé, mais on pensait que les poissons devaient se placer dans une configuration bien précise pour en bénéficier. Ici, les chercheurs ont montré que cet effet d'aspiration est présent, même quand le groupe de poissons semble désordonné. Tout le monde est heureux sous l'océan. Et les inattendus de la science, c'est aussi sur franceinter.fr. Merci Fabienne Chauvière.